Chapitre 4e, où se révèle le génie de Piedebœuf. Voyez-vous, Piedebœuf, disait le chef de la sûreté à son ancien subordonné, qu'il reconduisait au cas des orfèvres, vous venez de commettre une imprudence. Moi, et laquelle? Demanda Piedebœuf d'un air naïf. Ne jouez pas l'ignorance. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Vous avez essayé d'intimider le petit Fouinard, qui s'en est fort bien aperçu et vous a répondu de dure façon. Vous avez eu tort. Je ne puis permettre qu'un gringalet de cette espèce semble me narguer. Vous oubliez d'abord que vous êtes rendu coupable vis-à-vis de ce gringalet d'un quasi-crime de droit commun en le séquestrant, et que s'il avait porté plainte, vous n'en auriez pas été le bon marchand. J'aurais dû lui casser les reins. Allez donc dire cela au préfet et au ministre de l'Intérieur. Vous êtes oublieux, Piedebœuf, quand c'est votre intérêt. Mais d'autres se souviennent. Si je vous donne, moi, un exemple d'oubli des injures, relatif, bien entendu, il n'en va pas de même pour les autres. Vous voudriez rentrer en grâce à la préfecture. Peut-être serais-je moi-même disposé à vous y aider, à de certaines conditions, bien entendu. Mais je vous conseille de ne pas vous mettre Fouinard à dos. Il nous a rendu de très grands services, et le préfet l'a entré haute estime, plus que cela, en affection. Donc, si vous voulez arriver à un résultat, il suffirait d'un mot. Dites par lui à M. Larose, pour que toutes vos espérances fussent à volo. Ne froncez pas les sourcils, et ne prenez pas votre air de manchetou. Fouinard est fort, très fort. Je vous le dis très sérieusement. Quand il le voudra, il nous roulera tous, vous comme les autres. Donc, croyez-moi, ne le provoquez pas. À bon entendeur, salut. C'est bien, chef, dit Piedebœuf d'un air bourru. On se retiendra. J'y compte. Maintenant, êtes-vous toujours prêt à faire ce dont je vous ai parlé? Je veux. La nuit prochaine, faire une rafle en grand dans les bouges de Ménilmontant et dans les derniers repères des carrières d'Amérique. Il me faut des hommes d'attaque et sur qui je puisse compter. Bien que vous ne soyez plus dans mon service, j'ai le droit d'engager à ma guise des auxiliaires choisis par moi. Il y a là une occasion de se distinguer, par conséquent de racheter le passé. Voulez-vous être des nôtres? Très volontiers, dit Piedebœuf. Vous savez que je n'ai pas froid aux yeux. Je vous autorise à amener avec vous Trochon, Verduret et Gatapierre. Ces pauvres bougres avaient du bon. Chacun dans leur genre, et sans vous, ils n'auraient jamais commis de sottises. Ils m'accompagneront. Bien. Et le rendez-vous? Au poste de la rue des Partants, à minuit précis. Nous y serons. Tirons, chacun de notre côté. Mieux vaut qu'on ne nous voit pas ensemble. À ce soir, et surtout, ne touchez pas à Fouinard. Là-dessus, M. Charlet fit demi-tour et s'éloigna rapidement. Piedebœuf resta un instant immobile, ayant aux lèvres un mauvais sourire. Ouais, Monsieur Charlet, vous m'offrez de devenir votre chien. Faudra voir. Il y a peut-être mieux à faire. Et quant à votre passion pour ce gredin de Fouinard, on en recausera. Et d'abord, voyons ce qu'on peut tirer de la présente affaire. Monsieur Piedebœuf passa le pont neuf, s'engagea dans la rue Dauphine, tourna le coin de la rue Mazet et entra dans un petit bistrot à lui connu où il était certain d'être tranquille. Il s'assit à une table, demanda une absinthe et tirant de sa poche les papiers qu'il avait dérobés chez l'assassiné de la rue du Pont-Neuf et dont il n'avait parlé à personne, il se mit en devoir de les dépouiller. C'était un petit paquet ficelé d'un ruban rouge et qu'il avait pris sur le bureau du mort. Il défit le lien. À peine une douzaine de papiers, un portrait photographique d'une vieille dame, à cheveux gris, de visage aristocratique, de mise surannée. Il ouvrit la première lettre, elle était datée de 2 ans. « Mon fils, mon cher Louis, disait-elle, veux-tu donc que ta mère meure de douleur et de honte? Ton cousin Pierre, sur mes supplications, m'a avoué la vérité sur ton aventure de la nuit dernière. Cette rixe atroce, dans laquelle tu t'es commis avec les êtres les plus dégradés, toi, toi, mon enfant bien-aimé. Ton pauvre père soupçonne la vérité. En vain, je cherche à lui cacher mes angoisses, mais à la façon dont il me regarde, je sens qu'il lit jusqu'au fond de mon âme. J'ai peur. » Une révélation décisive le tuerait. Tu es bon, mon Louis. Ton imagination, ta nervosité maladive t'égarent. Ressaisis-toi. Reviens, oh, reviens près de ta vieille mère qui meurt de ton absence. Je te supplie, je te conjure, à 2 genoux, reviens, reviens. Cette lettre, si douloureuse, si effrayante, n'était signée que d'un paraffin lisible. Une seconde, une troisième ne faisaient que répéter les mêmes doléances, que jeter les mêmes cris de détresse. Les expressions seules changeaient, il y avait des ratures. Mais, jointe par une épingle, était cette feuille bizarre intitulée « Essai de modernisation ». Ce nom sonnant les firmes obsolètes, la maternité clé en moi. Que tes ouïes, oh, produit mien, baille à ma groge. Pourquoi cet hérémie? Existèmes-tu des freins? Veux-tu que je tuesque d'alge? Quel drôle d'argot, murmura Pied-de-Bœuf. Ces façons de parler changent tous les jours. Il lui encore, cette ride à peine m'a phobé. Ah zut, gronda l'ex-policier qui bouscula les papiers, espérant y découvrir quelque chose de plus clair. Et il tomba en arrêt devant cette note. Hôtel sévère et antiquement solennel, de Firmini, rue de l'Université, 110, BM. Mon père, homme préhistorique, moi, l'évolué, du sous-homme au surhomme, mère banale, aimante à la coutume des poules, le fils, l'aigle, moi, oh, les haines des médiocres, la mort plutôt que la ténèbre vivante. Voilà qui est beaucoup plus clair. Le particulier n'a pris le nom de Firmin que parce qu'il appartient en vérité à la famille de Firmini. BM, cela signifie-t-il bon marché? C'est peu probable. Cherchons. Et tout un travail à la Zadig, à la Edgar Poe, à la Fouinard, s'élaborait dans sa tête. Tout à coup, au-dessus du comptoir, il aperçut, rigide dans leur gaine grise, quatre énormes volumes, un nuire Botin, et sur l'un d'eux ces mots fulguraires, « Botin mondain ». BM, c'était clair, limpide. Ah, les devineurs d'énigmes! Qu'était-il auprès de lui? Il ouvrit fiévreusement cet annuaire des adresses et lut, frémissant, « Foix, Candale et Firmini, duc et duchesse, nés d'Agra Fortemer, 110 rue de l'Université et château de Tormoutier, CHINF. » Il eut un épanouissement de torse et avala d'un coup la moitié de son absinthe. Pied-de-Bœuf sentait qu'il touchait au triomphe. Aujourd'hui, que voulait-il? Prouver à ses anciens chefs qu'ils avaient eu grand tort de le sacrifier à ce paltoquet de Fouinard, qui avait profité d'une chance inouïe et avait été aidé par le hasard, dans des conditions exceptionnelles qu'il avait habilement exploitées. Tandis que lui, Pied-de-Bœuf, n'obéissait qu'aux suggestions de la raison, de la logique, du calcul. Tandis que tous s'escrimaient à deviner le nom de l'inconnu de la rue du Pont-Neuf, lui était allé tout droit vers la vérité. Il est vrai qu'il s'était approprié des papiers qui ne lui appartenaient pas, et qu'il était de son strict devoir de remettre à ses chefs, qui alors on aurait su autant que lui. Mais tant pis, qui le saurait d'ailleurs? De Firmin, il était allé à Firmini, de par la simple intuition, par un de ces éclairs d'intelligence qui tiennent du génie. Le mystère de l'assassinat était ainsi à demi éclairci, rien de plus explicable. Le fils Firmini, héritier des ducs, s'étant laissé entraîner par de mauvaises fréquentations, désertant, au désespoir de sa mère, le foyer paternel et finalement, trouvant dans des circonstances probablement déshonorantes, une mort tragique. Tout se tenait, s'enchaînait, véritable chef-d'œuvre de perspicacité. Que fallait-il faire? Pas d'un père, surtout. Profiter soi-même de sa découverte. Aller porter à cette noble famille la nouvelle de l'horrible catastrophe. Attention! C'était empiéter sur le rôle de ses supérieurs qui pourraient lui sauver mauvais gré de son initiative. Tandis que si M. Charlet était avisé par lui, Pied-de-Bœuf, c'était se créer un titre définitif à sa reconnaissance. C'était le pied remis à l'étrier, la réintégration, la réparation éclatante d'une injustice. Donc, l'astuce du tigre et la prudence du python s'imposaient à Pied-de-Bœuf qui, ayant mis son chapeau sur l'oreille, ainsi qu'il convient à l'homme content de lui, se dirigea allègrement vers la rue de l'Université. Pied-de-Bœuf arriva devant une de ces demeures seigneuriales dont quelques spécimens semblent des mausolées de noblesse, conservés comme échantillons du passé par le faubourg Saint-Germain. Pied-de-Bœuf, qui avait le respect de nos anciennes familles, éprouva un léger sentiment d'hésitation, et pour une dernière réflexion, entra chez un bistrot au coin de la rue Constantine, se fit servir un simple rhum sur le comptoir. « Dites donc, » fit-il d'un ton indifférent, « j'ai une commission à faire chez un duc de par ici. » On ne m'a pas dit exactement le numéro. De Firmini. Est-ce que vous connaissez? Ma foi, fit le troquet, je connais sans connaître. C'est au 110. Mais si je ne comptais que sur cette clientèle-là pour faire fortune. Pourtant, des noms comme ça, c'est des gens riches. Possible. Mais quand il y aurait là-dedans les 100 millions de la mère Imbert, il n'y en a pas une bribe pour notre nez. Tiens, il n'y a donc pas de domestiques? Des domestiques? Ah bah oui. Deux ou trois vieilles badernes qui ne bougent pas, comme le maître d'ailleurs. que je n'ai pas perçu deux fois le bout de son nez depuis 10 ans que je suis là. Y est-il, n'y est-il pas, je n'en sais rien et je m'en fiche. Il y a Madame la Duchesse. Ah, celle-là, c'est autre chose. C'est la seule de la maison qui m'a fait gagner quelques sous, quand elle est morte. Morte, la Duchesse est morte. Oui, il y a dans les 10 mois. Ça a l'air de vous affecter. Elle était peut-être bien de votre famille. Il y a eu un enterrement à tout casser, avec des voitures, des vieilles guimbardes de l'ancien temps, qui remplissaient la rue jusqu'aux Invalides. Et les cochers sont venus s'offrir chez moi un frichti soigné. Et ils ont bu comme des sonneurs. Piedebœuf restait très sérieux, ne goûtant pas ses plaisanteries. Ce doit être, fit-il d'un ton pénétré, une grande douleur pour son fils. Son fils, ah, il y a un fils. Vous êtes mieux informé que moi. Vous ne l'avez jamais vu? Puisque vous dites que je ne sais même pas qu'il existe. Du reste, puisque vous y allez, vous vous renseignerez vous-même. C'était presque un congé. En effet, la clientèle arrachait le bistrot aux douceurs de la conversation. Piedebœuf comprit, paya, sortit. Et voulant en avoir le cœur net, il se dirigea avec décision vers la porte sombre et muette, chercha une sonnette, n'en trouva pas, devina que l'antique usage ayant été conservé, il fallait user du marteau de la porte, ce qu'il fit. À sa grande surprise, il entendit immédiatement le grincement d'une clé dans la serrure à l'intérieur et la porte s'entr'ouvrit. Piedebœuf, bien homme grand, long, maigre, à figure rasée blafarde, vêtu de noir des pieds à la tête, avec une haute cravate blanche, type du laquais comédie française. Celui-ci regarda Piedebœuf et avec un salut d'une parfaite courtoisie. « Que désire, monsieur ? » demanda-t-il. « Mon brave, » fit Piedebœuf, exagérant la désinvolture pour se donner de l'aplomb. « Je voudrais parler, et sur l'heure, à monsieur le duc. »« J'ai le regret de dire à monsieur que monsieur le duc ne peut recevoir personne pour raison de santé. » »« Un mot seulement, de la plus grande urgence. »« Si monsieur veut prendre la peine d'entrer, » J'aurai l'honneur de remettre à monsieur une plume et de l'encre, afin que je puisse communiquer à monsieur le duc, aussitôt qu'il sera possible, le motif de sa visite. Il s'agit, je vous le répète, d'une nouvelle fort grave et qui intéresse tout particulièrement monsieur le duc. S'il y a véritablement urgence, que monsieur ait l'obligeant de s'adresser à maître Lamblin, le notaire de monsieur le duc. Ne pourrais-je tout au moins parler à son fils ? Le vieillard eut un léger mouvement de surprise aussitôt réprimé. « Monsieur veut sans doute parler de monsieur le marquis de Firmini ?»« Eh oui, un jeune homme dans les 25 ans. C'est bien cela. »« Seulement j'ai le regret de répondre à monsieur que monsieur le marquis de Firmini est absent depuis plus de 3 mois. »« Est-ce qu'il reviendra ?»« Je l'ignore, monsieur. Mais si monsieur veut bien me laisser sa carte, je la lui remettrai dès son retour. »« Ouais, absent depuis 3 mois, » pensa Piedebœuf. « C'est bien cela, une fugue de la maison paternelle. » Et se croyant autorisé à lancer une malice, s'il revenait, ce serait, n'est-il pas vrai, le retour de l'enfant prodigue ? Très doucement, le vieillard répliqua. Je ne comprends pas bien ce que signifient les paroles de monsieur, et je regrette de ne pouvoir fournir à monsieur d'autres renseignements. En même temps, il siffla légèrement, et du fond de la cour, un énorme molosse arriva, venant mettre sa tête, adornée d'une mâchoire superbe, sous la main du vieillard. Piedebœuf fit la grimace. Cette façon de clore l'entretien lui paraissait contraire aux usages du monde. Cependant, il fit bonne contenance. « Je me retire, bonhomme, » dit-il d'un ton très digne. « Mais laissez-moi vous dire que vous regretterez très vivement de ne m'avoir pas permis de parler à votre maître. Au revoir et à bientôt. » Donnant à ces derniers mots une intonation menaçante, il tourna sur ses talons, tandis que la porte se refermait lourdement sur lui. « Tiens, monsieur Piedebœuf, qu'est-ce que vous faites dans le noble faubourg ?» Piedebœuf reconnut un reporter auquel, autant jadis, il avait fourni quelques menus renseignements et qui lui avait fait une certaine réclame. « Vous le voyez, » dit-il, « j'enquête. »« Ah, toujours le même, actif et infatigable. »« Est-ce que votre bisbille avec vos chefs n'est pas fini ?»« Sapristi, un homme comme vous !»« Je vous avoue que les procédés de la préfecture à votre égard m'ont révolté. »« Merci de vos sympathies. »« Je puis vous dire d'ailleurs en confidence que ce malentendu va prendre fin. » et que j'obtiendrai des compensations. Tant mieux. Je me disais aussi qu'on ne se prive pas bénévolement d'un auxiliaire tel que vous. À propos, ne pourriez-vous pas me donner en 2 mots un tuyau quelconque sur l'affaire du Pont-Neuf ? Monsieur Piedebœuf était chatouillé au bon endroit, et que l'occasion était tentante. Un bon article sur sa perspicacité, hein ? C'est ça qui ferait du bien. Voyons, monsieur Piedebœuf, continua le reporter qui connaissait l'imbécile vanité du personnage. « Vous savez quelque chose, je vois cela dans vos yeux. Ne vous laissez pas encore couper l'herbe sous le pied par ce petit freluquet de Toto Fouinard. »« Toto Fouinard, je le mettrai dans ma poche quand je le voudrai. » »« Je le sais bien. Si je vous parle de lui, c'est que je l'ai rencontré il n'y a pas une heure dans la rue des Écoles. Il fouinait pour je ne sais quelle affaire d'un bonhomme qui a été dégringolé par un apache. Ça n'intéresse personne. Tandis que la rue du Pont-Neuf, on ne parle que de ça. Il paraît que ce monsieur Firmin serait un déboyé, appartenant à une bonne famille. Hé hé, dit Piedebœuf, que le nom de Toto Fouinard affolait, en lui enlevant toute prudence. Ce garçon-là pourrait bien être le fils d'un duc. Oh, monsieur Piedebœuf, dites-moi ce que vous savez. Tenez, j'ai si grande envie de dauber sur ce Fouinard qui a fait le malin d'une façon si ridicule. Il est temps de vous remettre à votre place. Un mot. Un seul mot. Et je vous promets, en première page du Nouvelliste, une de ces revanches qui font époque. Piedebœuf frémissait de désir de parler. Ah, si j'étais sûr de votre discrétion. Voulez-vous que je vous donne ma parole? Quand une fois je suis lié par le secret professionnel, vous me connaissez. Non, non, je ne puis rien vous dire. Ceci seulement. La rue est à tout le monde. Dites que vous m'avez vu sortir du numéro 110 et informez-vous des habitants de la maison. Là-dessus, adieu, je me sauve. Et il laissa sous le trottoir le reporter qui souriait dans sa moustache.